l'âge d'une Ferrari. Être vu à la télé, passer dans Voici et dans VSD. Je veux des Rolls et Bradley. Être riche et me la péter, porter du Gucci et des slips Cartier. Voici maintenant pour toi notre nouvelle reprise. C'est la danse des canards. Des canards. Qui en sortant de la mare se secoue le bas des reins. Des reins. Et font toin-toin. Oh oui, toin-toin. Tu vois, pour gagner de la thune, on est prêt à chanter.